Makiania bato nyoso, makiania ya. Makiani mwana ya bato ya limetero. Lakisanga nzela moyo na kokine kolanda. Soki pena droite o, makiadio. Papa fioti elongi ya bojeno. Singa na yo ya kitare tamu singa bongoye. Nakima kwa pio, ngai makiadio. Mama botio na mama botinga yo. Bango baso mabale oseba mama ye. Nani miyo kaka shosho. prière. Quand je chante pour toi, je pleurerai nuit et jour. Makiadi, c'est des gens qui t'appellent de venir danser l'amour auprès de ton amant. Makiadi, écoute ma prière. Quand je chante pour toi, je pleurerai nuit et jour. Makiadi, c'est des gens qui t'appellent de venir danser l'amour auprès de ton amant. Makiadi, écoute ma prière. Quand je chante pour toi, je pleurerai nuit et jour. Makiadi, c'est des gens qui t'appellent de venir danser l'amour. Je cherche mon mari qui m'a donné des fausses promesses. Jaloux qui est partout, la monnaie était. L'équipe à frontière, n'engue, n'engue. La patisie va être à Nyon, son amonie était. Je cherche mon mari qui m'a donné des fausses promesses. Mon balinanga comme là, apaisse ma promesse et à l'okota. Je cherche mon mari qui m'a donné des fausses promesses. La loup qui est partout, l'amonie était. L'équipe à frontière, n'engue, n'engue. La participe à Etagnon, son amour y était. Je cherche mon mari qui m'a donné des fausses promesses. Mon balinanga comme là, apaisse ma promesse et à l'okuta. Thank you. Desolation, la roue qui tourne, désolation. change d'insolation. Désolation, amuso mama, consolenga, la buena solution. Désolation, la roue qui tourne, désolation. Désolation, le monde change, désolation. Désolation, la roue qui tourne, désolation. Désolation, le monde change, désolation. Désolation. Thank you. Te pones posición y venga, moringa, pasión.